Maybe I'd better buy a dictionary. Un dictionnaire? Ce n'est pas nécessaire. You are learning very fast. With your help, yes. But what about when you're not around? Qu'est-ce que c'est, around? If you're not with me. Ah, je comprends. Ah oui, c'est vrai. Can we get one this morning? Ce matin? C'est possible, je crois. Mademoiselle? Oui, madame. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Il est 9 heures exactement. Est-ce qu'il y a une librairie par ici? Une librairie? Je ne sais pas, madame. Mais à la réception, il y a un guide de tous les magasins du quartier. Ah, très bien. Merci beaucoup.